incroyable. Comment il arrive à faire ça? Moi, bien sûr. J'arrive dans 10 minutes. La sportive garée, le joint il diminue. Du fric entassé, mes billets font des lunes. La drogue a passé, faut une petite part pour les murs. Grosse équipe carbo, droite rouge, mais les gants, j'finis dans le thème. Sa mère, on déboule tard gros, c'est nous les cassos qui vont dans le seum. Bah ouais, ça sent la peuf trop fort dans l'étagère. Rabat, je la prends sur l'étagère. J'suis dans des housses, c'est ouf. Pour ça t'es boum quand la zone ma est pas chère. Ma bouche roulé un bête, bête après avoir fait l'amour. Ma folie t'embête, bête, mets le volume en bas de la tour. Calibré si ça pète, on pétarde même si tu fais le mort. Guinéen comme MH, obligé de faire le move. J'ai pété le 3 fois filtré, c'est pas du narguilé. Trop de bouteilles, j'ai enquillé, j'ai même plus l'heure qu'il est. Une fois, deux fois, trois fois filtré, j'fais la démaquiller. Avec un faux pas filtré, t'es pas désinspiré. Ah ouais. J'arrive à ta fête, j'ai mis du LV, j'ai mis du BSB. J'ai les trois shooters pour ceux qui voulaient me tester. Elle a vu la chambre, mais faut qu'elle perque si elle veut rester. Et si elle sent bon joint, ben je la fais empester. Parce qu'avec moi, j'fais moins d'argent. Et moins d'argent. Poser, c'est de la perte de temps. La perte de temps. Avec toi, j'fais moins d'argent. J'fais moins d'argent. Poser, c'est de la perte de temps. De la perte de temps. Ma chérie m'a roulé un pète ou avant de faire l'amour. Ça dit quoi vite, on se pète ou fais-moi quitter la tour. Calibré si ça pète, on pétarde même si tu fais le mort. Quand la calage fait atchoum bébé, tout le monde fait le move. J'ai pété le 3 fois filtré, c'est pas du narguilé. Trop de bouteilles, j'ai enquillé, j'ai même plus narguilé. Une fois, deux fois, trois fois filtré, j'fais la démaquiller. Avec un faux pas filtré, c'est pas désinspiré. La chaîne m'a roulé un pète ou avant de faire l'amour. Vite on s'pète ou s'pète ou fais-moi quitter la tour. Calibré si ça pète, on pétarde même si tu fais le mort. Guinéen comme MH, obligé de faire le move. J'ai pété trois fois filtré, c'est pas du narguilé. Trop de bouteilles, j'ai enquillé, j'ai même plus narguilé. Une fois, deux fois, trois fois filtré, j'vais la démaquiller. Avec un faux pas filtré, c'est pas désinspiré. Ah ouais. Ouais, j'adore. Da da do da da da da da do da da da.